بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنكمل اليوم ما تبقى من سورة الشمس on finira aujourd'hui ce qui reste du tafsir de سورة الشمس وقد وصلنا إلى قول الله تعالى on est arrivé à la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il dit ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et qui lui a inspiré sa désobéissance ainsi que sa crainte, son obéissance. فَكُلْنَا ainsi que sa piété. فَكُلْنَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بَيَّنَ لِعِبَادِهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ On a dit que Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى il a montré à ses créatures le bien et le mal afin qu'ils fassent la différence entre le bien et le mal. وَهُنَاكَ تَفْسِيرٌ آخَرٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ Et certes, il y a un autre tafsir, une autre explication pour ce verset. وهو أنه ألهم الناس تقواهم وهي الفطرة. L'autre explication de ce verset, c'est que Allah تبارك وتعالى a inspiré aux gens leur taqwa, leur piété. Ce qui est voulu par là, c'est la fitra. La fitra, et donc, c'est le caractère saint et préservé de tout égarement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à ses créatures. فَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كَمَا بَيَّنَّهُ سَابِقًا Chaque nouveau-né naît sur la fitra. Là, le caractère saint. وَقَدْ يُلْهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْضَ النَّاسِ فُجُورَهُمْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْحَقَّ فَلَا يَظْلِمُهُمْ Et il se peut que Allah tabaraka wa ta'ala inspire à certaines personnes leur désobéissance. Et ça, par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement que ceux-là ne veulent pas la vérité. Alors Allah ta'ala ne leur fait pas injustice. Allah il dit فَلَمَّا زَرُوا أَزَرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Lorsqu'ils se sont égarés, lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » A réussi celui qui la purifie son âme, et est perdu celui qui la corrompt. فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَيَنْ Il y a dans ce verset deux significations. المعنى الأول قد أفلح من زكى الله نفسه. La première signification c'est que celui dont Allah purifie son âme, alors il a réussi. لأن الله هو الذي يوفق الناس لتزكية نفوسهم. Car Allah c'est celui qui accorde la réussite aux gens pour purifier leurs âmes. أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam muslim a cité dans son sahih, selon Zayd ibn Arqam, qui a dit, je ne vous dirai que de la même façon que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, كَانَ يَقُولُ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع Et certes, il disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je me réfugie auprès de toi, j'implore ta protection contre العجز والكسل, la capacité, la faiblesse et la fainéantise, aussi contre la peur et l'avarice, la vieillesse, contre la fitna de la tombe. Ô Allah, accorde à mon âme sa piété. Purifie-la, tu es celui qui la purifie. Ô Allah, tu es son allié et tu es son maître. Ô Allah, j'implore ta protection, je recherche ton refuge contre une science qui n'est pas profitable et contre un cœur qui ne craint pas et contre une âme qui n'est pas rassasiée et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Cette invocation, elle est très importante, les frères, très très importante. Il faut vraiment qu'on médite dessus. Peut-être même qu'on devrait faire un cours sur le sujet, un cours entier. Mais Bismillah Ta'ala, c'est à retarder, c'est pas pour ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Wal ma'na thani lil aya qad aflaha man zakka nafsahu. La deuxième signification du verset, c'est celui, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, celui qui a purifié son âme aura réussi. Donc la première signification, celui dont Allah purifie son âme. La deuxième signification, celui qui purifie lui-même son âme. Ayyutahhiruha min ash-shirk wal bid'i wal ma'asi. Le fait de purifier son âme du polythéisme, de l'innovation et des péchés. Allah qui dit wa qad khaba man dassaha, et certes a perdu celui qui la corrompt. Ay hamalaha ala al ma'asi wa ad-dalalat. Celui qui a corrompu son âme, c'est celui qui va la pousser au péché et aux égarements. Wa su'al ayyuha al-ikhwa, kayfa yuzakki al-mar'u nafsahu. La question, mes frères, c'est comment est-ce que l'individu va purifier son âme? La purification de l'âme. ذكر العلماء أن تزكية النفس على ثلاثة أنواع. Les savants, ils ont cité que la purification de l'âme se fait de trois façons. فأولا في حق الله تبارك وتعالى يزكي نفسه بالتوحيد والابتعاد عن الشرك ومنهه الله تبارك وتعالى. Et donc premièrement, la purification de l'âme concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Il va donc purifier son âme par le tawhid, le monothéisme, et s'éloigner de toute forme de polythéisme, et s'éloigner de ce que Allah tabaraka wa ta'ala interdit. Khilafan li turuq as-soufiya. Contrairement aux voies du soufisme, ceux qui prétendent enseigner aux gens la purification de l'âme. Où sont-ils de ces fondements, de ce fondement, le fait de purifier ton âme par le monothéisme, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, thaniyan fi haqqi rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la purification de l'âme concernant le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fayuzakki nafsahu bittaqarrubi ila Allah bi muqtada shari'ati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa yabta'id 'anil bid'i wad-dalalat. Deuxièmement, la personne va purifier son âme en se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en s'éloignant de toute innovation et de tout égarement. Et c'est pour cela que le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit at-tariqatu as-sahihatu li tazkiyati an-nafsi hiya at-tariqatu as-salafiyya. Il dit cheikh Ibn al-Uthaymin, la méthode correcte pour purifier son âme, c'est la méthode salafi. Le fait de s'éloigner du polythéisme, le fait de s'éloigner des innovations, voilà comment tu vas purifier ton âme. Contrairement à ce qu'on entend chez Jama'at Tablir, qui ont des cours pour purifier l'âme, mais tu purifies l'âme sans enlever des innovations, sans l'éloigner des innovations, sans l'éloigner du polythéisme, comment fais-tu pour purifier l'âme? Comment fais-tu purifier l'âme? Ce n'est pas seulement le bon comportement avec les gens. Et c'est là qu'on arrive au troisième type, an-naru thalith fi haqqi an-nasi 'umuman wal muslimina khususan. La purification de l'âme concernant le droit des gens de façon générale et le droit des musulmans de façon spécifique. Fa yajtanibu dhulm wa kullama yusabbibu al-ghil wal baghdha wa yakumu bil asbab allati tad'u ila al-mahabbati wal mawadda. Et donc, l'individu qui purifie son âme va s'éloigner de toute forme d'injustice. Il va s'éloigner de ce qui cause la rancœur et la colère, la haine entre les gens. Il va accomplir les causes qui vont entraîner l'amour. Voilà comment la personne va purifier son cœur, purifier son âme, en faisant attention à ces trois principes. Le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son messager et des gens. Voilà comment tu purifies ton âme. Ensuite, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit « Kazzabat Thamoud bitagwaha » Certes, Thamoud, ils ont mécru par la cause de leur transgression. Lorsque le plus misérable d'entre eux s'est levé précipitamment. Thamoud, al-qabilatul mashhura wa nabiyuhum salih. Et donc Thamoud, c'est la tribu qui est connue et dont leur prophète est salih. بعثه الله تعالى يدعوهم إلى التوحيد. Allah Ta'ala a envoyé Salih vers Thamoud pour les appeler au tawhid, à l'unifier, l'adorer seul. والله تبارك وتعالى يبعث رسله ومعهم آيات دالة على صدقه. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il envoie ses prophètes, il envoie avec eux des signes qui montrent leur caractère véridique. فَأَعْطَى صَالِحًا النَّاقَةِ. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à Salih la chamelle. وَذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ النَّاقَةِ كَانَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْبِئْرِ يَوْمًا وَتَسْقِيهِمْ لَبَنًا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي. Les gens de science, ils ont cité que cette chamelle, elle buvait du puits un jour, et le jour d'après, elle leur donnait du lait. Elle donnait donc du lait aux habitants. وَكَانَتْ عَظِيمًا. Et certes, c'était une chamelle qui était surprenante. لَكِنَّ هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ تَكْفِهِمْ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا. Cependant, ce signe n'était pas suffisant pour eux. Alors, ils ont voulu tuer cette chamelle. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Lorsque le plus misérable d'entre eux s'est dressé, s'est levé précipitamment, ayin talaqa bi sur'a wa ata'a man talaba minhu dhalik. C'est-à-dire qu'il est parti rapidement et qu'il a obéi à ceux qui lui ont ordonné de faire cela. Fa huwa ashqahum arada qatla hadhihi an-naqa allati ja'alaha Allah ta'ala ayatan. Et donc, c'est le plus misérable d'entre eux, celui qui a voulu tuer donc cette Chamel qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placé comme signe du caractère véridique de son messager. فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Alors Salih, il leur a dit, نَاقَةَ اللَّهِ, la chamelle d'Allah, délaissez-la, laissez-la, ne la tuez pas. ذَرُوهَا تَأْكُلْ, laissez-la manger. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Alors, ils l'ont traité de mensonge, ils l'ont tué. فَدَمْدَمَ عَلِيهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Alors, ton Seigneur les a anéantis à cause de leur péché et il a généralisé sa sanction. Wala yakhafu 'uqubaha, et il n'a pas peur des conséquences. Fakadhabu rasulahum kal'ada, et donc ils les ont démentis, ils ont traité de mensonges leur messager comme d'habitude. C'est une habitude. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ. De la même façon, aucun peuple d'avant eux, donc le peuple de Quraysh, aucun peuple d'avant eux n'est venu à eux un messager sans qu'ils le traitent de sorcier ou de fou. فَالْمَرْءُ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ. Et donc l'individu ne se tourne pas vers les paroles des gens. Ce que les gens disent de toi, cela ne te fait pas de mal. Les prophètes ont été traités de fous et de sorciers. Laisse les gens dire. Wahhabistes ou salafistes ou... Laisse les dire, laisse les gens parler. Toi, ce qui t'intéresse, ton lien avec ton Seigneur. Laisse les gens parler. Peu importe ce que les gens disent sur nous. Et donc les paroles des gens ne te font aucun mal. Elles ne te font pas de tort. Et donc ils ont traité de mensonge le messager. Et ils ont tué la chamelle. Alors quel était le résultat? Quel était le résultat à ceux qui s'opposent à Allah tabaraka wa ta'ala? فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Alors, Allah ta'ala, il les a anéantis à cause de leur péché et il a généralisé sa sanction. C'est-à-dire qu'il les a tous anéantis. Ce n'est pas celui qui s'est levé et qui a tué la chamelle seulement. Il les a tous anéantis. Tous. Et ça, il y a en cela une menace contre tous ceux qui se réunissent et qui rusent contre Allah tabaraka wa ta'ala et sa religion. Wala yakhafu 'uqubaha, et il n'a pas peur des conséquences. Al-muluk al-'ada annahum idha ahlaku an-nas annahum yakhafun min al-intiqam. Ce qui est connu des rois ici-bas, c'est que lorsqu'ils vont anéantir des peuples, ils vont avoir peur de la vengeance. Ils vont avoir peur de la vengeance. Comment on va faire après, etc. Il faut se préparer. Il se peut qu'ils se vengent ensuite. Mais Allah tabaraka wa ta'ala la yakhafu ahadan. Allah, il n'a peur de personne. L'annahu rabbul alamin. Il est le Seigneur de l'univers. Alladhi yaf'alu ma yurid. Celui qui fait ce qu'il veut. Et donc voilà par rapport à l'explication de cette sourate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos âmes. De nous aider à purifier nos âmes. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونستمر في التفسير الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا